Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, sur les ondes de CKRL, c'est maintenant l'émission Terra Incognita, et vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour de votre rendez-vous. Deux heures de bon rock progressif, on a comme nouveauté ce soir le nouveau Big Big Train. Michel vous en a glissé un mot la semaine dernière. Big Big Train, suite à l'apparition de Grim Spawn un peu plus tôt, en fait ça fait bon peut-être un mois et demi, ils ont fait paraître cet album hein, qui est quand même un album qui dure 70 minutes et qui comprend 7 pièces originales qu'on connaissait pas et également des extraits ou des séquences en fait qui ont été réalisées lors de finalement des sessions de des albums précédents Grim Spawn et également Folklore et bon pour les pièces originales c'est surtout le format chanson, peut-être un peu moins prog. Celle que j'ai choisie pour vous ce soir, ben, c'est plutôt une séquence. Là, ça s'appelle Brooklyn's Sequence. C'est du côté Grim Lore. Là. C'est donc le deuxième côté, si on veut, même s'il n'y a pas de côté sur un CD. Et avec une belle séquence On the Racing Line, Brooklyn's. Et, c'est vraiment bon. Bon, c'est pour peut-être pour les complétistes là, parce que on fait un complément à Grim Spawn et qui avait ses pièces. Greg Spartan, le chanteur de Big Big Train, racontait que c'est comme pour eux la fin d'un cycle. J'imagine qu'on parle ici de Wassail avec Folklore et Grim Spawn et cet album là qui s'intitule en fait The Second Brightest Star. Et donc on débutera avec ça. On aura également un autre extrait de la nouveauté que Michel vous a présenté la semaine dernière, Discipline, groupe américain avec Matthew Parmenter entre autres. Leur album Captives of the One Dark Sea. Et on aura une pièce instrumentale de Roaring Game. Ça, c'est notre première demi-heure. Alors, on débute tout de suite avec Big Big Train et la nouveauté en primeur sur la radio de Québec, The Second Brightest Star. Thank you.

Le groupe américain Discipline de leur plus récent album Captives of the One Dark Sea, qui est paru la semaine dernière, et la pièce The Roaring Game. Et l'émission avait débuté avec Big Big Train, un groupe britannique tiré de leur plus récent album The Second Brightest Star. Et c'était la suite Brooklands Sequence avec On the Racing Line et Brooklands. Alors, deux belles nouveautés pour cette semaine. On va, juste après la pause, on a une autre nouveauté de Montréal, le groupe Sidemind. C'est un groupe composé de cinq musiciens. Ils font dans un prog metal avec la ligne rythmique assurée par un violoniste et le piano. C'est vraiment bien, des musiciens de formation classique qui proposent leur premier album Erosion, et on aura un extrait de la pièce Erosion, qui est une pièce de 27 minutes. Alors, la nouveauté de Sidemind au retour de la pause. On continue en musique avec Terra Incognita. Vous écoutez CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bang bang. Ici Tania Beaumont. Je vous attends demain avec mon équipe de 15h30 à 17h30 au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Entrevue, prestations, critiques, un regard unique sur le Festival d'été de Québec. Une présentation du bar Le Sacrilège. On ne peut pas toujours parler tout seul. Vous avez le goût de faire de la radio? Bonjour Charlène. Bonjour Maxime. Ça va? Oui, et toi? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2017-2018. Comment ça fonctionne? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Je suis stupéfait. Faire partie de l'équipe de CKRL, c'est faire partie de la première radio communautaire francophone. Elle est avant tout masse sonore, nuage de son. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 6 août. التي سعاد الدنيا الزعران التي لذيذ وتنتظر منذ زمان قلها تجري كالنهر تزلق والليل يصير منير سنبوس الهرد مزاهرة تهزحت وعشيكم Ce qu'on écoute là, c'est Saint Don, c'est de l'Italie. C'est un album paru en 2016, Eros and Thanatos, la pièce Phara. Saint Don, c'était leur sixième album. Ils avaient fait deux albums en début des années 90, puis quand ils sont revenus en 2010, c'est là que c'est devenu vraiment intéressant, de superbes albums. Donc, juste avant, il y avait eu le groupe de Montréal, Sidemind, c'est une nouveauté. Ils viennent tout juste de faire paraître leur album Erosion, et c'était un extrait de cette longue pièce, Erosion, qui dure 30 minutes. Et ils seront en spectacle, d'ailleurs, au Cercle, le 18 août prochain, avec Universe Effects, entre autres, et... Donc, nouveau groupe intéressant avec la part du violon. C'est vraiment intéressant. Le 19 août, il y a Anathema, la salle multi qui s'en vient. Il y a Stickman aussi, Jacques en a fait jouer tantôt. Le 25 août, Stickman à l'auditorium du Cégep Garneau. Alors, on y va en musique avec Mogador. C'est leur... ils viennent de faire paraître ça en 2017, un nouvel album, Chapter Send. C'est leur quatrième album et on écoutera la pièce Summer Sun. Mom!

et des pièces courtes, assez rock. C'est un bel album que j'aime beaucoup. Donc, Del Pio de Clessidre, juste avant Mogador, aussi de l'Italie, et c'était tiré de l'album Chapter Sand, la pièce Summer Sun, pour souligner ce beau soleil qu'on a de ce temps-ci au Québec. Je fais un petit spécial ce soir sur les groupes français, puisque hier c'était le 14 juillet et les Chaunets sont de France, et donc un petit spécial de France avec plusieurs groupes récents français que j'ai aimé dans les récentes années, et un groupe que j'ai découvert récemment également qui est un album de 99. Je pensais débuter ce soir avec Alco Frisbass, un coup de cœur des albums parus en 2015, et c'est de France, c'est un bel album, c'est leur seul album jusqu'à maintenant, et on écoutera la pièce La Suspension Éthéréenne. Et sur ça, il y a des invités, en fait c'est un duo qui réalise cet album, Fabrice Chouette et Patrick Dufour, mais il y a des invités, dont Jacob Oldblumpo, qui est de White Willow, et des musiciens, plusieurs musiciens intéressants. Et on écoutera donc un superbe extrait, c'est sur Falling 2015, La Suspension Éthéréenne. On aura également le groupe français Vox Nostra. Vox Nostra, c'est un projet en fait de Pierre Mainviel, qui fait le clavier, les voix, et c'est leur quatrième album Tout le monde, paru en 2016. On aura la pièce Les Robots également. On aura dans ce spécial France Xavier Bocher, c'est son neuvième album, c'est un guitariste du sud de la France, et son album Pentagramme. On aura une pièce instrumentale intitulée Quina Cridone. On aura également Nebelnest, ça c'est une découverte que j'ai fait récemment. On pouvait acheter les disques avec des fans au dernier festival Terra Incognita, puis je suis tombé sur ça. Nebelnest, c'est leur premier album. Ils en ont quatre en tout, trois en tout, voilà. Et celui-là, c'est vraiment intéressant. On se croirait dans King Crimson, là. C'est le fun à découvrir. On aura la pièce Nadja. De leur premier album de Nebelnest, et également on aura le groupe Juke aussi avec ça c'est paru en 2014, et leur superbe album Chimera's Tale. On y va tout de suite en musique, donc dans ce bloc de musique française récente avec Alco Frisbass. Thank you. comme les robots d'un nouveau monde. Nous marchons sur la même longueur d'onde. Pas d'émotion dans le cœur des machines. Jamais de sentiments, pas de racines. Notre courage est en acier trempé, mêlant le feu et la ténacité. Notre pensée, impulsion électrique, n'entend jamais le jeu de la musique. Nous écraserons tout ce qui dépasse, en supprimant les preuves et les traces de notre noble purification. Sur cette terre pleine d'insoumission, nous sommes les acteurs d'un nouveau temps. Les valeurs d'antan, mettant les esprits retors en déroute, en les conduisant sur la juste route. Ceux qui s'en écartent seront châtiés, ils n'obtiendront aucune impunité. Remis ou pas de façon mécanique, maîtrisons la langue juridique. Nous sommes les soldats d'un univers, nantis de certitude, c'est de guerre. Nation, sous l'empire d'une même opinion. La ligne droite est notre seul chemin. Les volontés plieront sous notre main. Sous nos pas réveilleront les esprits, au seul bruit de nos armes et de nos cris. D'un grand troupeau, nous poserons un fer sur votre peau, marquer toutes vos vies de notre sceau, et vous revêtir de nos oripeaux. Sera notre mission la plus sacrée, de fabriquer enfin un être humain, digne d'exécuter nos grands desseins. Une carapace impénétrable, le nouvel être sera implacable. Un sang de plomb et un masque de fer seront les armes d'un nouvel enfer. Vous êtes les robots d'un nouveau monde, nés dans le sein d'une bête féconde. Vous serez enfin fait à notre image, rempli d'obéissance et plein de rage. chaînes de vos destins. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. On ne peut pas toujours parler tout seul. Vous avez le goût de faire de la radio? Bonjour Charlène. Bonjour Maxime. Ça va? Oui, et toi? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2017-2018. Comment ça fonctionne? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Je suis stupéfait. Faire partie de l'équipe de CKRL, c'est faire partie de la première radio communautaire francophone. Elle est avant tout masse sonore, nuage de son. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 6 août. Cet été, on se donne rendez-vous sur la terrasse de la Ninkasi avec des collègues ou entre amis pour un dîner sous le soleil de midi, un verre à l'apéro ou pour profiter des chaudes soirées d'été. Deux terrasses et toujours la même ambiance accueillante au cœur des festivités. La Ninkasi, pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. Et toujours avec vous, évidemment, pour cette bonne musique rock progressive, c'était Xavier Bocher et son plus récent album Pentagramme, paru en 2016, de la France. C'est un spécial sur les groupes français là, pour souligner le 14 juillet, même si on est le 15. Et c'était la pièce Crinacridone. Alors, cherchez la prononciation. Venez faire un tour sur notre site www.terraincognita.québec pour voir la liste des pièces. Et vous pouvez également accéder au podcast sur à partir de notre site ou également du site de CKRL. Et faites un tour sur notre Facebook de Terra Incognita. Il y a souvent des nouvelles. On y parle de musique, évidemment, ce qui nous passionne le plus. Et on poursuit notre... notre spécial français, ben juste avant, oui, Vox Nostra en français, avec un extrait de Tout le monde paru en 2016, et c'était la pièce Les robots. On poursuit avec Nebel Nest, une découverte que j'ai fait il y a un mois à peine, deux mois, et c'est leur premier album. On aura une pièce de cet album et poursuivi par Duke, également de la France, tiré de Chimera's Tale. On y va tout de suite en musique, donc, avec Nebel Nest. We'll be right back.